Ce sont les personnes, bien sûr, qui m'inspirent au quotidien pour continuer malgré les défaites ou malgré les difficultés, malgré la fatigue et parfois la sensation que on a du mal à convaincre en fait de la nécessité de respecter les droits. Évidemment, ce qui m'inspire, ce sont les personnes que j'ai la chance de côtoyer, les défenseurs et défenseuses qui s'appellent elles-mêmes défenseuses ou pas, hein, qui parfois s'identifient comme de simples militants ou comme des personnes qui défendent les droits de leur communauté ou qui se mobilisent pour l'accès à l'éducation, pour le respect de l'environnement, pour la protection de la planète ou de certaines minorités. Je pense que c'est ça qui fait qu'on n'oublie pas en fait ce pour quoi on se mobilise, c'est qu'on se mobilise pour des personnes, même si les droits humains, ça peut paraître un concept un peu éloigné des réalités. En fait, au quotidien, moi j'ai la chance de côtoyer des gens qui me rappellent en fait que quand on se mobilise pour les droits humains, on se mobilise pour les personnes, pour leur accès à la santé, une éducation de qualité, un environnement sain, contre la corruption, contre l'impunité. Et toutes ces personnes-là que je côtoie et qui parfois défendent les droits dans une grande hostilité dans leur pays, qui luttent un peu contre vraiment des forces puissantes, des intérêts puissants, des entreprises, des États, des acteurs armés. C'est vrai que ce sont ces personnes-là qui nous inspirent et on se dit, mais comment est-ce que nous, on peut laisser tomber, baisser les bras si elles le font pas? Et souvent, pour elles, c'est même pas un choix, c'est parce que c'est une évidence. Si elles se résignent, finalement, elles acceptent elles perdent leurs droits et leur communauté, leur famille, leur entourage, leurs amis en sont affectés. Donc, c'est ça qui fait que finalement, au quotidien, malgré parfois l'abattement et le découragement, on continue et on pense à toutes ces personnes-là qui parfois ont beaucoup plus à perdre que nous et qui continuent, qui gardent de l'énergie, qui malgré la peur, malgré l'adversité au quotidien, continuent de se mobiliser.